Bonjour, j'utilise cette manière pour répondre à ce message parce qu'elle est plus rapide, puis en plus, je suis en train de faire des tests en matière d'audio. Le son est absolument épouvantable, mais dans le courant de l'année, il devrait s'arranger. Donc, en deux mots, laissez la sensibilité du capteur ou de l'appareil sur 100 ISO, ça dépend. Ne pas utiliser la sensibilité automatique, ça oui. La sensibilité automatique, ça consiste en gros à laisser l'appareil amplifier le signal lorsqu'il le pense nécessaire. Or, il peut tout à fait le penser nécessaire dans des conditions vraiment discutables pour vous éviter un flou de bouger que vous n'auriez peut-être pas fait. Donc, la sensibilité automatique, c'est pas une bonne idée. En revanche, dire qu'il faut laisser tout le temps la sensibilité calée sur 100 ISO, alors ça, c'est méconnaître les principes de base de la photo. Comme je l'ai dit dans le texte qui accompagne donc cette réponse, la photographie, c'est la combinaison de trois éléments. La sensibilité du film, l'ouverture du diaphragme et le temps de pose. Dès qu'on change un de ces trois éléments, ou deux d'ailleurs, mais un de ces trois éléments, les autres doivent être modifiés en conséquence. En temps normal, si vous faites des photos de paysages par beau temps, effectivement, on n'a aucune raison de modifier cette sensibilité. En revanche, il y a des cas de figure où les deux autres paramètres, donc le temps de pose et le diaphragme, vont se retrouver embutés, soit pour des raisons mécaniques, soit pour des raisons de compatibilité avec ce que vous voulez photographier. Pour prendre un exemple un petit peu caricatural, si vous voulez photographier un sujet qui bouge en basse lumière, typiquement vos mômes chez vous, je sais pas, une soirée ou des choses comme ça, vous allez vous retrouver avec le diaphragme qui a une limite physique, l'ouverture du diaphragme, il y a un moment où elle ne peut pas être ouverte plus grande. Et d'autre part, le temps de pose, lui, va avoir également une limite qui est celle de la compatibilité avec le sujet que vous voulez photographier. Même si votre appareil peut vous faire des temps de pose extrêmement longs, si votre sujet bouge, vous obtiendrez une photo floue, voire même pas de sujet du tout. Donc dans ces conditions-là, la seule façon de pouvoir retomber dans des conditions de prise de vue qui soient compatibles avec ce que vous voulez faire, ça va être d'augmenter la sensibilité ou d'utiliser un flash. Et dans certains cas, on peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux une image avec une bonne ambiance mais qui soit un petit peu crado côté qualité, ou une image nickel techniquement mais absolument sans ambiance avec un éclairage plat écrasant tout? C'est un vrai choix qui se discute, et donc je pense pas qu'on puisse dire de manière comme ça générique qu'il faut systématiquement laisser la sensibilité sur 100 ISO. Voilà, joyeux Noël, bonne année, etc.